Poisson. Djégué. Djégué. Djégué. Coudre. Kala. Kala. Kala. Couteau. Mourou. Mourou. Mourou. S'asseoir. Sigi. Sigi. Sigi. Sel. Kogo. Kogo. Kogo.